Les impérialistes américains et les bellicistes sud-coréens ont commencé le 13 les manœuvres conjointes qui dissolvent visant notre République sur toute l'étendue sud-coréenne, en dépit de la condamnation unanime de l'opinion du dedans et du dehors du pays. Ils sont lancés les effectifs colossaux sans précédent dans l'histoire, les biens stratégiques nucléaires et armements d'opération américains qui participent aux manœuvres conjointes Aigle en cours depuis le 1er mars. Ce sont les troupes américaines basées en Corée du Sud et à l'étranger, l'armée sud-coréenne et les forces des pays satellites, les flottilles de porte-avions nucléaires Calvinson et Ronald Reagan, les bombardiers stratégiques nucléaires, les chasseurs furtifs, etc. Les États-Unis et leurs fantoches sud-coréens déclarent de concrétiser dans le cadre de ces manœuvres l'opération 4D visant la première frappe, sans parler des exercices intensifs de la frappe de précision contre les installations importantes du Nord, et d'effectuer l'exercice imaginant la disposition de SAD en Corée du Sud. Le commandant des forces américaines en Corée du Sud et le commandant en chef des armées sud-coréennes sont montés ce jour-là sur le porte-avions Calvinson pour pérorer sur une riposte forte contre la provocation du Nord, tout en fomentant un climat de guerre contre le Nord.